I have explained about walking meditation for 3 days. Explained in detail as much as I can to understand our yogis how to practice walking meditation correctly. So when we practice walking meditation, we have to put effort. We have to try to keep our mind on the steps closely, on every steps. This is the way we try to develop our mindfulness. Je vous ai expliqué depuis 3 jours comment on pratique la marche attentive. Je l'ai expliqué en détail pour que les yogis sachent comment on pratique la marche correctement. Lorsqu'on pratique la marche, il faudra donc fournir un gros effort pour être attentif à chaque instant et maintenir l'esprit sur les pas. De cette façon, le méditant va progressivement développer son attention. Mais il n'est pas possible de fournir cet effort pour être attentif sans interruption dès le début. Cela ne vient que progressivement. Il faut donc faire un gros effort pour pratiquer de façon assidue. En posture assise, on ferme les yeux. Mais même si on a les yeux fermés, il est possible que nous voyons certaines choses en pensée. Pendant la marche, on ne ferme pas les yeux, mais on garde le regard dirigé vers le bas. Si on n'est pas attentif au moment où on pratique la marche, si on n'est pas intéressé par la pratique, si on s'ennuie, forcément, on va se mettre à regarder tout autour de soi. Si on regarde autour de soi, on n'expérimentera rien. Il faut donc s'efforcer de pratiquer de façon respectueuse et assidûment la méditation en marche. Il faut faire un effort pour être attentif à chaque pas. Si nous réussissons à pratiquer ainsi, avec beaucoup d'attention, il est possible qu'après un certain temps, nous expérimentions les éléments. Le Bouddha a parlé des 4 éléments, Patavidhatu, Tejodhatu, Apodhatu et Vayodhatu. Patavidhatu, c'est tout ce qui est dureté ou douceur dans le corps. Tejodhatu, c'est tout ce qui est froid ou chaud dans le corps. Apodhatu, c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau, et Vayodhatu, c'est tout ce qui est en rapport avec l'air. Si l'attention est donc capable de suivre attentivement chaque pas et de se maintenir sur l'objet du début à la fin, nous verrons très clairement ces 4 éléments qui se manifestent en nous, et il ne faudra rien faire pour y arriver, ils vont se manifester spontanément. Quand on pratique la méditation vipassana, il faut commencer par comprendre clairement les instructions. Ces instructions nous expliquent comment il faut pratiquer en posture assise et en marche, et comment il faut le faire correctement. Il ne faut pas s'attacher au nombre de pas que l'on observe pendant la marche. Par contre, il faut être très concerné par la qualité de notre attention. On commence par faire une note à chaque pas, pas gauche, pas droit. On essaye de noter de façon attentive. Si on réussit à noter attentivement chaque pas, automatiquement, nous allons expérimenter certaines sensations. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, ce n'est pas une compréhension qui nous vient de la réflexion, c'est une expérience authentique. Et il faut que ce soit une expérience authentique que nous expérimentions par nous-mêmes dans la méditation. Le Bouddha a dit « La sagesse vient de la méditation. Sans méditation, il n'y a pas de sagesse. » Nous devons donc nous entraîner à noter à chaque pas. Nous allons ainsi développer notre attention. Dès le moment où nous serons devenus capables de noter attentivement chaque pas, la sagesse va tout naturellement se manifester. Nous n'aurons rien dû faire pour cela. Plus nous sommes attentifs, mieux nous comprenons. Lorsqu'on s'est entraîné suffisamment à noter le pas gauche et le pas droit, on passe à la deuxième méthode, on note levé, abaissé. Ensuite, la troisième méthode, levé, avancé, abaissé. C'est ainsi que le yogi va graduellement développer son attention. Il va comprendre de mieux en mieux l'enseignement du Bouddha. Il va comprendre les quatre éléments. Il va comprendre expérimentalement les cinq khandhas. Je voudrais maintenant que les yogis étudient de façon théorique les quatre éléments. Il est parfois nécessaire de développer la théorie, pariyatti. Car si on ne mémorise pas ces mots, il est fort probable qu'après l'enseignement, on ait tout oublié à propos des quatre éléments. Patavi dhatu, Tejo dhatu, Apo dhatu, Vayo dhatu. Répéter ainsi les mots pali, c'est étudier le Bouddha Dhamma, Pariyatti en pali. C'est donc l'étude théorique. La pratique, c'est patipati. La pratique va nous permettre d'expérimenter directement par nous-mêmes ce que nous avons étudié. Il y a donc patavidatu, l'élémentaire. L'élémentaire, ce sont toutes les sensations de dureté et de douceur qu'on peut expérimenter dans le corps. Lorsqu'on pratique la méditation en marche et qu'on fait une note à chaque pas, pas gauche, pas droit, si on est très attentif au moment où le pied prend appui sur le sol, il est possible que l'on expérimente spontanément de la dureté. De la dureté, soit à la plante du pied, soit on ressent la dureté au sol lui-même. Nous ne recherchons pas ces sensations, elles nous viennent tout naturellement à l'esprit. Expérimenter cela, c'est remarquer ou comprendre. Vous pratiquez donc la marche et vous essayez d'être attentif en parcourant la piste de long en large. Dès que votre attention sera développée, ce n'est pas seulement la dureté que vous allez expérimenter. Vous expérimenterez encore d'autres sensations. Par exemple, lorsque votre pied s'avance, il est possible que vous expérimentiez de la légèreté. De la légèreté non seulement dans le pied, mais peut-être dans la jambe tout entière et même dans le corps tout entier. Vous expérimentez alors l'élément air. Vous n'allez pas forcément l'exprimer ainsi, mais vous le sentez. Vous sentez que la jambe bouge. Patavi Dhatu, c'est donc toutes les sensations de douceur ou de dureté dans le corps. C'est l'élémentaire. Vayo Dhatu, c'est l'élément air, c'est tout ce qui est mouvement dans le corps. Vous poursuivez votre entraînement et vous parcourez la piste de long en large en étant très attentif. Il est possible que par moment vous expérimentiez à l'intérieur du corps des sensations de chaleur. On parle parfois de l'énergie. Le contraire est vrai également, il est possible que vous expérimentiez du froid. Tout ceci, chaleur et froid, c'est l'élément feu, Tejo Dhatu. Il y a quatre sortes de Tejo Dhatu, d'éléments feu, quatre sortes de feu. Le premier en pali, c'est Santapana Tejo. Le deuxième, Virana Tejo. Le troisième, Taha Tejo. Et le quatrième, Pachaka Tejo. La première sorte de feu, c'est donc Santapana Tejo. Parfois, vous ne vous sentez pas très bien. Il est même possible que vous ayez de la fièvre. Votre température n'est pas normale. Elle est un peu trop élevée. Ceci, c'est donc cette première sorte de feu, Santapana Tejo. Voyons maintenant comment on expérimente Apodhatu lorsque on pratique en posture assise et en marche. En posture assise, si le yogi applique correctement les instructions, qu'il les applique de façon précise, il va commencer par comprendre qu'il est très difficile de maintenir l'esprit sur l'objet. Il n'arrive pas à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption. Il se peut même qu'il soit découragé. Mais dès qu'il aura réussi à noter à 3 ou 4 reprises sans être distrait par autre chose, cela veut dire que son attention a atteint un bon niveau. Il va poursuivre sa pratique, va développer encore son attention et deviendra capable d'observer les mouvements de l'abdomen plus longtemps. Le méditant ne voudra alors plus lâcher la pratique. Il est devenu très confiant. Il commence à prendre goût à la pratique. Il est heureux de noter parce qu'il constate que son esprit est dorénavant capable de suivre attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Au début, lorsqu'il y avait tant de difficultés, le méditant ne voyait ni le début ni la fin du mouvement de soulèvement. Il ne voyait ni le début ni la fin du mouvement d'abaissement. Mais maintenant que son attention s'est développée, il est capable de voir les 3 parties de ses mouvements. Il les voit débuter, se prolonger et se terminer. Le yogi est donc maintenant heureux de sa pratique. Il est très satisfait. Il est possible alors que des larmes lui viennent spontanément dans les yeux. Ces larmes sont l'indice que la satisfaction, le bonheur ont fait irruption dans son esprit. Je suis devenu si calme, se dit-il. Je n'ai jamais expérimenté un tel calme dans ma vie. Le yogi pense également qu'il a beaucoup de chance d'avoir rencontré l'enseignement du Bouddha qui lui permet d'expérimenter ce calme. Lorsqu'il pratique la marche également, le yogi va se sentir satisfait s'il est capable de maintenir son attention sur les différents pas, sans interruption. Il est possible là aussi qu'il se mette à pleurer de joie. Même des moines âgés ont pleuré de joie à l'entretien lorsqu'ils expliquaient leurs expériences au professeur. En posture assise, on pratique correctement. On reste assis sans bouger et on s'efforce de noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si l'attention est forte, il est possible que l'on remarque que la partie supérieure du corps bouge, que cette partie supérieure du corps se balance. Le méditant doit alors noter « bouger, bouger » ou « balancer, balancer ». Il expérimente en fait l'élément air, mais il n'est pas nécessaire de le formuler ainsi. Ce qui est important, c'est d'expérimenter, de remarquer ce balancement. Mais parfois, le yogi qui expérimente un balancement du corps va le provoquer délibérément car il s'y est attaché. S'il note par contre attentivement balancement, balancement au moment où il sent son corps se balancer, ce balancement va s'arrêter à cause de la tension. Le yogi a donc compris l'élément air. Donc, nous devons pratiquer de façon assidue si nous voulons réussir à comprendre l'enseignement du Bouddha. Nous comprendrons, lorsque notre pratique se sera développée, qu'à l'intérieur de nous, il n'y a que les 4 éléments et l'esprit qui note. Les 4 éléments, c'est la matière, rupa. L'esprit qui note, c'est nama, l'esprit. May you be well, happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu.